يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد. Ceci est la traduction du débat passionnant qui réunit l'érudit savant, ex-mufti sur toute l'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullah, qui nous réunit avec un certain nombre de Qutbi et d'Ikhwani autour de l'exégèse d'une partie du verset 44 de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, à savoir cette partie: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah avait fait descendre, les voilà les mécréants. Ce débat fut diffusé en une cassette intitulée الدَّمْعَةُ الْبَازِيَةُ, une larme d'Ibn Baz, puisque le Cheikh Rahimallah avait pleuré à deux reprises quand il évoqua le souvenir de son Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala. Passons maintenant à la traduction de ce débat. Nous citerons chaque fois les passages en arabe et puis leur traduction. Qala ibn Jibrin fi tafsir an ibn Abbas fi qawlihi ta'ala وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. فقال الشيخ ابن باز: إذا لم يستحله، يعني حكم بالرشوة أو حكم على عدوه أو لصديقه، يكون كفرا دون كفر. أما إذا استحل الحكم، إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا، إذا استحله كفر. لكن لو حكم بالرشوة لا يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كفرا دون كفر، مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. ابن جبرين دي dans l'exégèse selon ابن عباس relativement à la parole d'Allah تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Et quiconque ne juge pas selon ce qu'Allah avait fait descendre, ceux-ci sont les mécréants. Il expliqua, c'est-à-dire Ibn Abbas, rahimahullah, radiyallahu anhu, il expliqua kufrun duna kufr, une mécréance en deçà d'une mécréance. Cheikh Ibn Baz dit: oui, s'il ne le considère pas comme chose licite. Par exemple, s'il juge injustement à cause de pot de vin, ou contre son ennemi, ou pour favoriser son allié, cela relève de la mécréance en deçà de la mécréance. Tandis que s'il se permet cela et croit que c'est chose licite, s'il se permet de délaisser ainsi la charia, il serait mécréant. S'il considère que c'est licite, alors il mécroit. قال أحد الحاضرين الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين. فقال الشيخ ابن باز هذا محل البحث، إذا فعلها مستحلا فقاطعه السائل نفسه بقوله وقد يدعي أنه غير مستحل. فأجابه الشيخ رحمه الله إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. من غير دين الله كالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. أن انترفنون بي Le grand problème à ce sujet, qu'Allah vous pardonne, est la question de remplacer les jugements légiférés par des lois. Alors Cheikh Ibn Baz dit, ceci est la problématique de notre recherche. S'il le fait, tout en considérant que ces choses licites, le même intervenant l'interrompit en disant, il peut prétendre qu'il ne considère pas que ces choses licites. Cheikh Ibn Baz lui explique, s'il le fait, tout en considérant que c'est licite, il mécroit. Et s'il le fait, tout en ayant une interprétation afin de satisfaire sa tribu, ou pour ceci ou cela, ce serait une mécréance en deçà de la mécréance. Cependant, les musulmans doivent le combattre, s'ils le peuvent, s'ils ont la force nécessaire, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent celui qui change la religion d'Allah, comme la zakat ou autre, doit être combattu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. فقال السائل نفسه بدل الحدود بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال الشيخ ابن باز يعني ما أقام الحدود عزره بدل القتل عزره. فقال ابن جبرين أو الحبس. فقال الشيخ ابن باز أو الحبس. Le même intervenant ajouta, il a changé les peines, il a changé la peine de fornication, et ceci et cela. Cheikh Ibn Baz demanda, c'est-à-dire qu'il n'applique pas les peines, il le châtie au lieu de le tuer, c'est-à-dire au lieu de lapider le fornicateur qui était déjà marié. Il le châtie, c'est-à-dire lui donne des coups de fouet par exemple. Ibn Jibrin intervint, ou bien il le met au geôle. Cheikh Ibn Baz dit, ou il le met au geôle. قال السائل وضع مواد عفى الله عنك. فقال الشيخ ابن باز الأصل عدم الكفر حتى يستحل يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب. يستحل يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب كفر دون كفر حتى يستحل. Le questionneur enchéri, il a posé des lois qu'Allah te pardonne. L'imam Ibn Baz lui explique, la règle de base est qu'il n'y a pas de mécréance jusqu'à ce qu'il se permette la chose, la considère comme licite. Il est pécheur, il contracte un péché majeur et il mérite le châtiment, c'est-à-dire dans notre vie. La condition est qu'il passe à considérer la chose comme licite. Sinon, il est encore pécheur, il commet un péché majeur et il mérite le supplice. C'est une mécréance en deçà d'une mécréance jusqu'à considérer que c'est chose licite. فقال السائل يستحل الاستحلال في قلبه ما ندري عنه. فقال الشيخ ابن باز هذا هو. Le questionneur dit qu'il considère que c'est illicite, cela est dans son cœur, nous n'en savons rien. Cheikh Ibn Baz entérina, c'est ça. Mais s'il prétend cela, s'il prétend qu'il considère que c'est illicite, قال ابن جبرين إذا أباح الزنا برضا الطرفين فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا هذا كفر فأكمل ابن جبرين المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها قال الشيخ ابن باز إذا أحل ذلك بالرضا فهو كفر ابن جبرين demanda s'il permet la fornication à condition de l'agrément des deux parties. Cheikh Ibn Baz l'interrompt. Ceci est une mécréance. Ibn Jibrin termina. Ils disent par exemple, la femme est libre de disposer d'elle-même et de forniquer. Cheikh Ibn Baz dit, s'ils permettent cela avec l'accord des deux parties, ceci est une mécréance. Kufr. فقال سلمان العودة لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك الشيخ ابن باز ينسبه إلى الشرع أو ما ينسبه فقال سلمان حكم بها من غير أن يتكلم بذلك وجعلها بديلا فقال ابن باز أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا فقال سلمان كفرا أكبر أو أصغر فقال ابن باز أكبر إذا نسبها إلى الشريعة أما إذا لم ينسبها إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه قد يقتل بعض الناس لهواه سلمان العودي حفظكم الله à propos de cette invocation on rappelle qu'il a été rapporté au sujet de ce Salman al-Ouda, qu'il invoquait Allah de faire précipiter la mort de l'imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullah ta'ala. Et ici, il dit, hafidakumullah. Et cela est très connu chez les salafis, comme c'est très répandu dans beaucoup de comptes salafis sur YouTube, que al-Ouda a invoqué Allah pour précipiter la mort de l'imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, fin de cette note. Donc Al-Ouda dit Hafizakumullah, s'il gouverne par une charia abrogée comme la législation judaïque qu'il l'impose aux gens, la rend une loi générale et qu'il punit celui qui la contredit par l'emprisonnement, le meurtre, l'exil, et ainsi de suite. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, demanda, tout cela, en imputant cela à la religion, c'est-à-dire à la religion islamique, ou sans l'imputer à la religion? Salman al-Ouda répondit, il commande et juge par cette loi, sans parler de cela, et il en fait un substitut. L'imam Ibn Baz clarifie, s'il l'impute à la charia, ce serait une mécréance. Salman al-Ouda demanda encore, c'est une mécréance majeure ou mineure? Cheikh Ibn Baz lui répète, majeure, s'il l'impute à la charia. Tandis que s'il ne l'impute pas à la religion, qu'il la pose comme toute autre loi, ce ne serait pas une mécréance. Tout comme celui qui fouette les gens, non pas selon le jugement légiféré, il les fouette pour satisfaire sa propre passion, son propre caprice, ou qu'il les tue par passion, Il se peut qu'il les tue, qu'il tue certains gens à cause de sa passion. فقال سلمان ما يفرق حفظكم الله بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم. فقال الشيخ ابن باز أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانونا يصلح بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد. سلمان العودي حفظكم الله n'y a-t-il pas de différence entre le cas spécial, c'est-à-dire une situation survenue ou une affaire déterminée et précise, et entre le fait qu'il le pose comme une loi générale pour tous les hommes, c'est-à-dire pour toute la population. Cheikh Ibn Baz lui explique, s'il l'impute à la charia, il mécroit. Or, s'il ne l'impute pas à la charia, il voit que c'est une loi qui peut servir aux hommes, mais elle n'est pas légiférée, n'est pas shar'i, n'est pas d'Allah, ni de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, c'est un crime, c'est-à-dire un péché, mais ce n'est pas une mécréance majeure, je crois. فقال سلمان العودة ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر. فقال الإمام ابن باز لعله إذا نسبه إلى الشرع. سلمان العدادي ابن كثير إمينان شيخ rapporte dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya le consensus que c'est une mécréance majeure. Cheikh Ibn Baz nuance et rectifie et clarifie. Peut-être bien est-ce s'il l'impute à la sharia. فقال سلمان لا قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر لا شك أنه مرتد. Remarquez ce jugement de Salman al-Ouda, le takfiri. لا شك أنه مرتد. فقال الإمام ابن باز وإن كان فابن كثير ليس بمعصوم وكلامه يحتاج تأملا قد يغلط هو وغيره وما أكثر من يحكي الإجماع. سلمان العودة دي non, il dit plutôt celui qui juge par une législation autre que celle d'Allah parmi les législations révélées abrogées et les mécréants kafir. Que dire alors de celui qui juge par les opinions des hommes? Nul doute que c'est un apostat, murtad. Remarquez cette remarque de Salman al-Ouda, ce takfiri. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui corrige. À supposer que c'est ainsi que tu rapportes, dit Ibn Kathir. Ibn Kathir n'est pas infaillible. Sa parole nécessite une méditation. Il se peut qu'il se trompe, lui ou un autre. Beaucoup de gens d'ailleurs racontent le consensus, al-Ijma', alors que ce n'est pas le cas. فقال ابن جبرين هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو أحسن وأولى بالناس وأنسب لهم من الأحكام الشرعية. فعلق ابن باز هذا كفر مستقل إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر. Ibn Jibrin avance. Il avance cette prétention sans preuve. Il dit, il désigne par ce pronom les gouverneurs des pays musulmans, Allahu A'lam. Il dit, ils la mettent à la place de la charia. Et ils disent qu'elle est meilleure pour les hommes que la charia, plus convenable et prioritaire que les jugements légiférés. On demande la référence de ce que Ibn Jibrin avance ici. On ne sait pas de qui il rapporte cela, de quel gouverneur musulman. Cheikh Ibn Baz, de toute façon, lui répond. Il dit, ceci est une mécréance à part entière. S'il dit que cette chose-là est meilleure que la charia, ou qu'elle est égale, ou qu'il est licite de juger selon ce qu'Allah n'avait pas fait descendre, ce serait une mécréance majeure. فقال أحد الحاضرين الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الأشخاص يعني يفرقون في أطروحاتهم يقولون النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص فقال الشيخ ابن باز إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو كان شخصا يعين يكفر بذاته يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه مثل ما هو كفر مثل ما كفر الصحابة الناس الذين تركوه بأعيانهم مسيلمة يكفر بعينه وطليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه وكل من وجد منه ناقض يكفر بعينه أما القتل شيء آخر يعني يحتاج استتابة L'un des assistants dit, ceux qui rendent le régime mécréant et disent que les individus, eux, ne sont pas mécréants, c'est-à-dire qu'ils distinguent dans leur thèse entre deux choses. Le régime est mécréant, mais ils disent, nous ne rendons pas les personnes mécréantes. Cheikh Ibn Baz dit, si un tel considère licite le fait de gouverner par une loi qu'Allah n'avait pas fait descendre, il devient mécréant en personne. On le désigne nommément comme mécréant. On dit un tel est kafir. S'il considère le jugement par une loi qu'Allah n'avait pas révélée comme permis, ou considère la fornication comme permise, ou bien on le déclare mécréant en tant que personne, comme dans les exemples de ce qui est mécréance, comme les compagnons avaient considéré ceux qui avaient délaissé. Le Cheikh Rahmanullah avait dit délaissé ici, c'est-à-dire tarakou, c'est-à-dire dans le sens de délaisser une chose qu'il n'est pas permis de délaisser. Il disait, il les avait anathémisés comme tels, il les avait désignés comme tels, comme kuffar. Musaylima est mécréant en personne. Et Tolaiha, avant de se repentir et revenir, il était considéré comme mécréant. Et ainsi de suite, celui qui raille la religion est considéré comme mécréant en personne. Et tout un chacun qui présente un annulatif, on le désigne comme mécréant en personne. Cependant, lui appliquer la peine de mort est une autre chose. Cela nécessite de lui donner l'occasion de se repentir à l'istitaba. فقال أحد الحضور لكن إذا ما نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين؟ فقال الشيخ ابن باز من الكذابين. فقال السائل لكن دون الكفر؟ فقال الشيخ ابن باز نعم. أما إذا قال لا أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر. أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدع معروف حكمهم. Un assistant dit, mais s'il ne l'impute pas à la charia, est-ce qu'on ne le juge pas déjà parmi les grands menteurs? Cheikh Ibn Baz, rahimallah, affirme S'il est des grands menteurs. Et le questionneur dit, mais c'est en deçà de la mécréance. Cheikh Ibn Baz dit, oui. Et dans le cas où il dit, non, moi je dis qu'il est comme la charia, ou bien mieux qu'elle. C'est une mécréance. Néanmoins, s'il voit une innovation, les gens d'innovation ont un jugement bien connu. فقال عائد القرن حسن يا شيخ بعضهم يقول إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة فقال الشيخ ابن باز هذا اجتهاد له وجه لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة عائد القرن l'autre إخواني intervient. Il dit, c'est bon, ô Cheikh. Certains disent que Omar avait délaissé d'appliquer les peines lors de la famine durant l'année 10 de Ramada. Cheikh Ibn Baz répond, ceci est un ijtihad qui a un bien fondé car la personne peut se trouver dans l'obligation de voler une chose par contrainte et par nécessité majeure. فقال سلمان العودة حفظكم الله الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر فأولئك هم الكافرون أقول ما الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر فقال الشيخ ابن باز هذا محمول على الاستحلال على الأصح وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر وإلا فالأصل قوله تعالى هم الكافرون سلمان العودي حفظكم الله Quelle est la preuve que la mécréance dont il s'agit est mineure dans Al-Qur'an, c'est-à-dire dans le verset en question, dans Al-Qur'an, alors que le verset, ceux-là sont les mécréants, il vient avec la formule de restriction. Cheikh Ibn Baz répond, ceci est considéré ainsi dans le cas de Al-Istihlal, croire que la chose est licite. Et si on ne considère pas Al-Istihlal, c'est donc comme avait interprété Ibn Abbas. Une mécréance en deçà d'une mécréance. Sinon, la règle de base est de dire, comme Allah Azza wa Jalla avait dit, ils sont mécréants. فقال أحد المناقشين ليس في أثر ابن عباس أنه ما استحل فتدخل سلمان العودة قائلا نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره فقال الشيخ ابن باز لأنه مستحل له وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله حكموا بحل الميتة حكموا بأشباهه أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقول كفر لا يكفر بهذا أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه لا يكفر بهذا L'une des personnes participant au débat demanda, il n'y a pas dans le texte d'Ibn Abbas qu'il n'avait pas considéré que c'est licite, l'istihlal. Salman al-Ouda est venu à son renfort, il renchérit, oui, je veux dire, qu'est-ce qui nous fait interpréter le texte, non pas selon son aspect apparent. Cheikh Ibn Abbas dit, car, dans le contexte de ce passage, dans le verset, Allah Azza wa Jal parle des juifs. Car, dans le contexte de ce passage, il y a qu'ils considèrent que ces choses permises, licites, ils concernent les mécréants, Al-Kuffar, qui avaient jugé, parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, il avait jugé la bête morte, Al-Meita, comme licite, et ils avaient fait des jugements similaires. Or, si Zayd ou Amr jugent à cause de pot de vin, nous diront que c'est un mécréant, ou s'ils jugent de tuer un tel, Zayd, sans raison, à cause de son caprice, il ne devient pas mécréant pour cela. ثم قال الإمام ابن باز بعد سكوت يسير على القاعدة التحليل والتحريم له شأن مثل الزاني هل يكفر؟ فقال سلمان ما يكفر؟ فقال الشيخ ابن باز وإذا قال حلال؟ فقال سلمان يكفر؟ فقال الشيخ ابن باز هذا هو. الشيخ ابن باز دي après un silence bref. Selon la règle, considérer telle chose comme licite ou illicite a de la gravité, a de l'importance. Par exemple, le fornicateur est-il mécréant? Salman al-Uda répondit, il n'est pas mécréant. Cheikh Ibn Baz ajouta, et s'il affirme que c'est licite, halal, alors Salman al-Uda dit, il devient mécréant. Cheikh Ibn Baz conclut, voilà, il s'agit de ça. فقال سلمان وآخر معه يكفر ولو لم يزني. فقال الشيخ ابن باز ولو لم يزني. سلمان et un autre dire ensemble, est-ce qu'il devient mécréant même s'il ne fornique pas lui? Cheikh Ibn Baz répondit, oui, il devient mécréant même s'il ne fornique pas lui. فقال سلمان نرجع سماحة الوالد. Est-ce qu'il y a des gens qui vont souhaiter la mort de leur père? سلمان العودة il dit نرجع سماحة الوالد للنص قليلا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية فعلق الحكم بترك الحكم. فقال الشيخ ابن باز الحكم بغير ما أنزل الله يعني مستحلا له يحمل على هذا. سلمان دي revenons un peu votre éminence et père au texte, et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah avait fait descendre, il y a qu'il prend le jugement de mécréance pour le simple fait de délaisser le jugement parce qu'Allah avait fait de délaisser le jugement parce qu'Allah avait fait descendre. Cheikh Ibn Baz dit, jugez par autre chose que ce qu'Allah avait fait descendre tout en considérant que cela est permis, licite, halal. C'est dont il s'agit dans le verset. On interprète ainsi. فقال سلمان ومن أين جاء هذا القيد؟ فقال الشيخ ابن باز من الأدلة الأخرى الدالة عليه التي دلت على أن المعاصي لا يكفر صاحبها إذا لم يستحل فلا يصير كافرا وهو فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ليس مناسبا. C'est-à-dire que le jugement d'Allah, il le considère comme n'étant pas convenable. Aw yara annahu laysa munasiban. Aw yara al-hukma bi ghayrihi awla. Al-maqsoud annahu mahmoulun 'ala al-mustahil. Aw alladhi yara ba'da dha annahu fawqa al-istihlal. Yarahu ahsana min hukmi Allah. Amma idha kana hakama bi ghayri ma anzala Allah li hawahu yakunu 'asiyan. مثل من زنى لهواه لا لاستحلال عق والديه لهوى قتل لهوى يكون عاصيا أما إذا قتل مستحلا عصى والديه مستحلا لعقوقهما زنى مستحلا كفر. وبهذا نخرج عن الخوارج نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع وإلا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج. والذي شبه على الخوارج هذا هذه الإطلاقات. سلمان العودة demanda, d'où était venue cette condition, c'est-à-dire celle de l'istihlal. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, elle vient des autres arguments, c'est-à-dire des autres textes, qui nous montrent, notre traducteur, les gens de la sunna considèrent la sharia dans sa globalité, alors que les gens d'innovation, comme les Ikhwani et les Qutbi, ont une vision morcelée et partielle des textes et du dîme. Ils prennent un verset ou un seul texte, qu'il soit du Coran ou de la Sunna, et ils fondent leur croyance sur ce verset et ils veulent en extraire ce qu'ils veulent penser. Fin de l'annonce. Revenons à la réponse de l'éminent savant Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Il dit, cette condition, elle vient des autres arguments, c'est-à-dire des autres textes qui la montrent. Ces textes démontrent que les péchés ne rendent pas mécréants, sauf s'il y a la condition de al-istihlal, croire que telle chose est permise, halal. Donc, sans cela, le pécheur n'est pas mécréant. Il est pervers, injuste et mécréant s'il est mustahil, s'il croit que c'est licite, ou bien s'il croit ce jugement propice pour les hommes, ou s'il considère que ce jugement est prioritaire et meilleur que la religion d'Allah Azza wa Jal. Bref, le verset est pris avec la condition de al-mustahil, c'est-à-dire le cas de celui qui se permet ses péchés, qui se les permet par son cœur, qu'il les commette ou non par ses sens ou par ses membres, il croit licite ce qu'Allah avait rendu illicite, ou bien le contraire. Cheikh Ibn Baz disait, la condition de al-mustahil, ou bien celui qui voit outre cela, que c'est au-delà même de al-istihlal, qui considère que c'est meilleur que le jugement d'Allah. Nom du traducteur, c'est le cas par exemple des kuffars, qui croient que leurs idéologies, comme la démocratie par exemple, qui est une idéologie abjecte, corrompue et extrêmement injuste, ils la considèrent comme la quintessence et l'apogée de la civilisation et du progrès. Et d'ailleurs, les Qutbi et les Ikhwani sont fascinés par la démocratie. Et malgré cela, ils contestent le pouvoir au gouverneur et ils font semblant que eux, ils veulent gouverner par la charia, alors qu'ils sont fascinés par la démocratie. Donc, je disais, les kuffars considèrent cette idéologie comme étant la quintessence et l'apogée de la civilisation et du progrès de l'humanité. Ceci n'est pas étonnant venant de personnes aveugles, n'ayant pas connu la lumière et la révélation qu'est l'islam. Fin de cette note du traducteur. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, continue. Toutefois, dans le cas où quelqu'un juge, non pas parce qu'Allah avait fait descendre, à cause de son caprice, il est pécheur, comme celui qui fornique à cause de sa passion, non pas parce que c'est licite. Celui qui désobéit à ses parents par simple caprice, ou qui tue par passion, il est pécheur. Or, s'il tue, tout en croyant que c'est chose permise, s'il désobéit à ses parents, parce que c'est permis, s'il fornique, parce que c'est permis, il contracte la mécréance majeure. De cette manière, nous nous séparons des Khawarij, nous nous distinguons par rapport à eux, nous nous distinguons par rapport à la croyance des Khawarij. Il y aura ainsi entre nous et les Khawarij un espace étanche, sinon nous tombons là où ils sont tombés. Et ce qui avait confondu les Khawarij, c'était ce genre de généralisation. قال سلمان المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الإخوان فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت فقال الإمام ابن باز لا هي مهمة عظيمة Salman dit, cette question peut être problématique chez beaucoup de frères. Il n'y a pas de mal si on s'y arrête pour quelque temps. Cheikh Ibn Baz affirme, non, elle est importante, importante. Elle est d'un intérêt grandiose. فقال سلمان ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة هذا ليس موضع خلاف. فقال الشيخ رحمه الله لا ليست المسألة مسألة خوارج إنما علة الخوارج هذه الإطلاقات تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون. سلمان دي vous avez évoqué la question de takfir du pécheur et de celui qui commet un péché majeur. Ceci n'est pas un point de divergence. Note des traducteurs. Masha'Allah, c'est ce Salman al-Ouda qui s'exprime ainsi. Alors qu'il disait du buveur de vin, l'ivrogne, qui persiste dans ce péché, il disait de lui, La yaghfirullahu lahu, Allah ne lui pardonnera pas, même s'il va se repentir. Allah ne lui pardonne pas. Et ce document est tellement connu de Salman al-Ouda. Donc il disait que ceci n'est pas l'objet de divergence. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, répond, nous ne parlons pas uniquement d'un problème propre aux Khawarij. Le vice des Khawarij était ses généralités. Ils avaient délaissé les conditions, pris les généralités et rendu les gens mécréants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à leur sujet, ils quittent l'islam et puis ils n'y retournent pas. فقال سلمان العودة الزاني والسارق سماحة الشيخ. فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا هم كفار عند الخوارج. فقال سلمان عند الخوارج لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة. فقال الشيخ ابن باز ما لم يستحلوا. فأكمل سلمان لا يخرجون من الإسلام. فكرر الشيخ ما لم يستحلوا. سلمان العودة دي le fornicateur et le voleur, votre éminent cheikh. Le cheikh lui dit ils sont mécréants, kuffar, chez les khawarij. Salman dit chez les khawarij, mais les gens de la sunna sont unanimes que ces gens sont des pécheurs. Cheikh Ibn Baz rappelle sauf s'ils passent à al-istihlal, c'est-à-dire s'ils viennent à croire leur péché illicite. Salman continua, ils ne sortent pas de l'islam. Et le cheikh lui rappelle, s'ils ne commettent pas l'istihlal, c'est-à-dire si le cœur n'est pas atteint de ce qui abroge la foi et l'annule, il la détruit complètement. قال سلمان العودة ما لم يستحلوا نعم لكن هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية. Regardez, il n'ose pas dire je, il dit hum, c'est-à-dire eux, c'est-à-dire comme si il défend la thèse d'autres gens. Il n'ose pas dire moi, je voilà ce que je pense. Or les savants salafis, ils disent je. قال سلمان ما لم يستحلوا نعم لكن هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فتحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس لأنه كما يقولون صديقهم كما يقولون لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما ولو قال إنه لا يستحله لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك. Regardez comment il s'exprime. Il n'y a pas d'autres cas. أو ما أشبه ذلك. وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة. فقال الشيخ ابن باز: فقط قاعدة، لازم الحكم ليس بحكم. قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه إنه مستحل يلزمه ذلك، ولماذا يسأل؟ ليس هو بلازم، الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله. أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين، إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثل ما يقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها وقاتل، يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، يكون كافرا. صرح به الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا، قال: قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم. ذكره رحمه الله أظن في كتاب السياسة، لا، ما هو في السياسة غير هذا، قال عنه في فتح المجيد في باب. فتدخل سلمان العودة قائلا في الفتاوى في كلامه في التتر، فقال الشيخ ابن باز: يمكن في التتر. ذكر رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة، بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق سواء بسواء. سلمان دي: s'ils ne commettent pas l'istihlal, oui, mais eux, il parle des takfiri comme lui, mais il dit eux, comme s'il parlait d'un absent, et comme si lui, il n'assume pas cette thèse, alors que c'est sa thèse. Il n'ose pas dire je. Il dit, oui, s'ils ne commettent pas l'istihlal, mais eux, ils voient qu'il y a une différence entre celui qui commet le péché et que nous jugeons que c'est un musulman pécheur ou ayant une foi faible, et entre celui qui fait du péché une loi qui oblige tout le monde. Car, comme ils disent, il est impensable qu'il écarte la charia par exemple, ou qu'il l'élimine et lui substitue une loi obligatoire, même s'il déclare qu'il ne passe pas à l'istihlal, c'est-à-dire qu'il ne passe pas à considérer que telle chose est légiférée et licite et que c'est une religion. On ne saurait que penser l'un de ces cas, ou bien ces choses licites pour lui, ou bien qu'il estime que c'est meilleur pour les hommes, ou une interprétation de ce genre. Regardez comment il s'exprime Salman Al-Ouda depuis longtemps. Et qu'il se démarque, donc il continue, et qu'il se démarque de celui qui juge dans une affaire singulière à cause d'un lien de parenté ou à cause de pot de vin, etc. Cheikh Ibn Baz rahimahullah lui répond: juste une règle ici, lazimul hukmi laysa bihukmin. Ce qu'un jugement implique n'est pas un jugement en lui-même. On peut aussi dire de celui qui juge par passion ou pour un lien de parenté, on peut ainsi dire qu'il est moustahil et que cela découle de son acte, il implique. Et pourquoi va-t-on l'interroger lui aussi? Il n'y a plus lieu de le faire pour lui aussi. Le jugement est déjà établi. Et bien sûr ici le cheikh est en train d'argumenter à contre-courant de la thèse de l'Ouda. Le cheikh n'assume pas ce genre de réflexion. Et c'est juste pour montrer la gravité du raisonnement de l'Ouda. Le cheikh donc continue: ceci est entre le serviteur et Allah, mais entre lui et les hommes, les musulmans doivent le combattre. s'il y a un État islamique fort qui peut procéder ainsi, pourquoi ne juge-t-il pas selon ce qu'Allah avait fait descendre? On le combat comme on combat les apostats, s'il défend cela, comme on combat ceux qui s'abstiennent de donner la zakat, s'il défend cette position, s'il défend son avis et combat pour cette cause, on le combat comme les apostats, car sa défense du commandement par autre chose que ce qu'Allah avait fait descendre ressemble à celui qui défend le cas de la zakat, c'est-à-dire de ne pas la donner, de ne pas s'acquitter de la zakat. C'est même plus grand et plus grave que ce cas-ci. Il serait mécréant dans ce cas, comme l'avait déclaré Cheikh Taqiyuddin, rahimallah, c'est-à-dire Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimallah ta'ala. Il dit de lui, on le combat comme les apostats, al-Mursaddin, non pas un combat des pécheurs qui défendraient leur faux. Je pense qu'il en parle dans le livre de As-Siyasa, la politique légiférée, As-Siyasa al-Shar'iyya. Non, non, ce n'est pas là. Dans Fath al-Majid, on rapporte ce qu'il le dit dans le chapitre 2, Salman al-Ouda intervint en disant, c'est dans les fatwa, lorsqu'il parlait des Tatars, Cheikh Ibn Baz dit, peut-être est-ce dans cet endroit. Il montra, rahimallah, que leur combat n'est pas celui des pécheurs, mais bien celui des apostats, murtaddin, car leur défense du péché ressemble bien à celui de ceux qui s'abstiennent, qui se sont abstenus de donner la zakat durant l'ère de As-Siddiq, radiyallahu anhu. فقال سلمان العودة حفظكم الله الآن بالنسبة لمانعي الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر فقاطع الشيخ ابن باز لا شك لا شك فواصل سلمان العودة لأن امتناعه وقتاله على ذلك فقال الشيخ ابن باز هو مثل دفاع من يحكم بغير ما أنزل الله فأكمل العودة دليل على جحده للوجوب فعلق الشيخ ابن باز إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل يكون كافرا سلمان العودة دي حفظكم الله كالله vous préserve. Et dans un autre endroit il invoque Allah pour précipiter la mort d'Ibn Baz parce que c'était un rocher très solide où ils sont venus casser leur crâne de takfiri. Donc il dit, Hafidakumullah, maintenant au sujet de celui qui s'abstient de s'acquitter de la zakat, s'il combat pour demeurer ainsi, on dit, on le combat pour la mécréance. Cheikh Ibn Baz commenta, sans doute, sans doute, Salman al-Ouda continua, car son abstention, et puis son combat à cause de cela, Cheikh Ibn Baz dit, c'est comme celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah avait fait descendre et qui se défend. Salman al-Ouda termina. C'est la preuve qu'il renie cette obligation. Peut-être qu'il était en train de comprendre. Cheikh Ibn Baz expliqua. S'il défend ce genre de gouvernement par autre chose que ce qu'Allah avait fait descendre, qu'il affirme, je n'en reviens pas. Ceci est la position de Al-Mustahil, celui qui croit la chose permise. Il est mécréant dans ce cas. فَقَالَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ هَؤُلَاءِ, c'est-à-dire il désigne les gouverneurs musulmans. هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ بِأَنَّهُمْ سَيَسْتَمِيتُونَ فَقَالَ الشَّيْخُ بْنُ بَازِ إِذَا وَقَعَ, إِذَا وَقَعَ كَفَرُوا, إِذَا وَقَعَ قِيلَ لَهُمْ احكموا بما أنزل الله وإلا قتلناكم وأبوا يكفرون هذا الظن فيهم فقال السائل نفسه هذا الظن فيهم فقال الشيخ ابن باز لا شك الظن فيهم هو هذا لكن فقط الحكم بغير الظن والظن في حكام بعض البلاد بعض البلاد والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلنا أظن فيهم الشر والكفر لكن فقط يتورع الإنسان عن قوله كافر إلا إذا عرف أنه استحله نسأل الله العافية. L'un des assistants avait avancé ceci, c'est-à-dire, il désigne ainsi les gouverneurs musulmans, il tranche et il dit catégoriquement ceci, et les sœurs, sans qu'ils s'acharneront, c'est-à-dire pour défendre ce genre de commandement, donc, même s'il y aura un combat pour cela. Cheikh Ibn Baz dit, si cela arrive, ils seront mécréants. Si cela arrive, si on leur dit gouverner parce qu'Allah avait fait descendre, sinon nous allons vous combattre. S'ils refusent, ils seront mécréants. Note du traducteur. Remarquez bien ceci. Les groupes et les partis qui se réclament de l'islam, c'est-à-dire les groupes déviés et égarés, n'osent pas dire ce que le cheikh dit ici, gouverné par ce qu'Allah avait fait descendre. Ces partis et groupes dits islamiques craignent fort d'être taxés de la part des puissances de Al-Kufr, de la mécréance, comme étant des terroristes, parce qu'ils revendiquent la charia, la législation. Ils ne le font pas, ils ne la revendiquent plus, de peur d'être taxés de terroristes et d'être combattu par ces nations qui protègent la mécréance, Al-Kufr, et qui protègent la corruption dans le monde, et lui donnent les slogans de démocratie, des slogans trompeurs, comme celui de démocratie, et tantôt de modernité, et ainsi de suite. Donc, ces partis dits islamiques n'osent pas ordonner le convenable, ni interdire le blâmable, mais ils osent uniquement tout le temps accuser les gouverneurs musulmans de mécréance majeure, et ils ne leur trouvent même pas l'excuse qu'ils ressentent eux-mêmes et qu'ils avouent parfois, à savoir qu'ils n'osent plus proposer dans leurs programmes électoraux de gouverner selon la charia, de crainte que les nations de Al-Kufr ne les combattent sous la bannière de combattre le terrorisme et le fondamentalisme. Wallah al-musta'an, fin de la note. Ou bien, donc on continue dans la note, il y a une autre remarque. Et puis, remarquez aussi comment le cheikh rappelle qu'on ne juge pas les gens d'après des hypothèses, des supputations, mais seulement d'après ce qu'ils affichent clairement et ce qu'ils défendent explicitement, au point de combattre pour telle cause, de combattre pour telle position. Et en cela, il y a un témoignage de la condition de l'établissement de la preuve avant de prononcer un jugement de ce genre, un jugement lourd comme celui de At-Takfir. Finalement, remarquons aussi comment ce dernier intervenant tranché que les gouverneurs s'acharneront dans la défense des lois forgées par les hommes, et comment le cheikh lui montre qu'on ne juge pas d'après ses estimations et ses hypothèses, mais d'après des choses concrètes, tangibles. Fin de l'annonce. Et le cheikh continua, et c'est ce qu'on peut penser de ceci. Le même intervenant s'écria, c'est ce qu'on pense d'eux? Le cheikh déclara, sans doute, c'est ce qu'on suppose d'eux. Mais, ceci dit, il faut rappeler que le jugement ne repose pas sur l'hypothèse, ne repose pas sur ce qu'on pense. Notre jugement ne s'établit pas sur ces hypothèses. Et ce qu'on pense des gouverneurs de certains pays est le mal et la mécréance. Oh Allah, ne nous éprouve pas. Mais l'homme doit s'abstenir de juger d'un tel qu'il serait mécréant, sauf s'il connaît, c'est-à-dire preuve à l'appui, qu'il contracte l'istihlal, croire que telle chose est licite, halal. Nous implorons Allah de nous préserver. ثم قال الشيخ ابن باز هل بقي عندكم أسئلة أم انتهينا فقال عبد الوهاب الطريري نحن ننتظر الإذن لنا. فقال الشيخ ابن باز لا بأس، البحث هذا ما يمنع البحث الآخر، كل واحد يجتهد قد يجد ما يطمئن له قلبه، لأنها مسائل خطيرة ما هي بسهلة، مسائل مهمة. Ensuite, Cheikh Ibn Baz demanda, avez-vous encore des questions ou bien avons-nous terminé? Alors, Abdelwahab Tariri dit, nous attendions la permission. Cheikh Ibn Baz lui répond, cette discussion n'exempte pas d'approfondir encore la recherche. Chacun peut déployer un effort de recherche et il peut trouver ce qui apaise son cœur. Car ce sont là des questions dangereuses. Elles ne sont pas faciles. C'est plutôt des questions importantes. فقال سلمان ترون أن هذه المسألة سماحتكم يعني اجتهادية؟ فقال الشيخ والله الذي أعتقده أنا. Regardez comment le cheikh dit أنا, moi, je. Il ne dit pas eux comme faisait سلمان عودة. فقال الشيخ والله الذي أعتقده أنا من النصوص يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة خصوصا الخوارج أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحلها أو دافع دونها بالقتال. سلمان دي Est-ce que vous voyez cette question, votre éminence, qu'elle serait ijtihadiyya? Le cheikh Rahmanullah répondit, par Allah, ce que j'y crois, regardez le cheikh, il utilise je, non pas comme Salman Ouda, il parle de son point de vue de takfir et il parle avec le pronom de l'absent. Donc le cheikh Rahmanullah disait, par Allah, ce que j'y crois, d'après les textes et d'après les paroles des gens de science, concernant la distinction entre les gens de la Sunna et entre les Khawarij et les Mu'tazilites, surtout les Khawarij, et ceci, que commettre le péché n'est pas un acte de mécréance, sauf s'ils considèrent qu'il est halal, licite, ou s'ils le défendent lors d'un combat. Regardez comment le cheikh il a synthétisé cette question. فقال أحد الحضور سماحة الشيخ أقول أحسن الله إليكم إذا كتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم. فقال الشيخ ابن باز إذا قاتلوا فقط، أما إذا ما قاتلوا دونها لا. فقال السائل إذا طولبوا بهذا. فقال الشيخ إذا طلبت زيدا فقلت له زكي فرفض أن يزكي يلزم بالزكاة ولو بالضرب، أما إذا قاتل دونها يكفر. Un assistant demanda, votre éminence cheikh, qu'Allah vous comble de bien, je veux dire, si on leur écrit leur demandant d'appliquer la sharia et qu'ils ne s'y rendent pas, peut-on juger de leur mécréance? Cheikh Ibn Baz dit, c'est s'ils combattent pour ça uniquement. S'ils ne combattent pas, non, jamais. Le même questionneur insista, si on le leur demande, c'est-à-dire de juger par la sharia, le cheikh lui explique, si tu demandes à Zayd et que tu lui dises, acquitte-toi de la zakat, et qu'il refuse d'obtempérer, on l'enjoint à le faire, même par la force, même en le frappant, et s'il combat pour persister dans son refus, c'est alors qu'il serait mécréant. فقال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. فقال الشيخ ابن باز ولو ما يكفر إلا بهذا، ما دام أنه مجرد منع يعذر وتوخذ منه مع القدرة، ومع عدم القدرة لا يقاتل. فإن كان للدولة، regardez le cheikh, il parle en termes de légiférer. c'est à l'État qu'appartient d'imposer cette chose, non pas aux personnes, qu'on font les takfiri. Il dit, rahimallah, فإن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله. Le questionneur dit, mais celui qui va le réclamer est faible, et peut-être même qu'il serait combattu à cause de cela. Cheikh Ibn Baz dit, en dépit de cela, on ne juge pas les crayons dans tel cas. Tant qu'il ne fait que s'abstenir, on le force. Et on la prend de lui, c'est-à-dire on prend la zakat de lui, par la force, si l'on peut. Et en cas de faiblesse, on ne combat pas. Et si l'État, non pas les personnes, et si l'État a la force nécessaire pour le combattre, il le fait. فقال السائل لا من طلب بالحكم بشرع الله فأبى فقال الشيخ يقاتل فإن قاتل كفر وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصا. Le questionneur dit, non, je veux celui auquel on lui réclame de gouverner par la charia d'Allah et qui refuse. Le cheikh dit, on le combat donc. S'il défend cette chose, il serait mécréant. Et s'il ne la défend pas, en état de guerre, il ne le serait pas. Et il prend le jugement des pécheurs. فقال ابن جبرين من الذي يقاتله؟ فقال الشيخ ابن باز الدولة المسلمة. فقال أحد الحضور وإذا لا يوجد دولة مسلمة. Regardez les takfiri, comme s'il n'y a aucun état islamique. وإذا لم يوجد دولة مسلمة. فقال الشيخ ابن باز يبقى على حاله بينه وبين الله. فقال ابن جبرين بعض الدول متساهلون. فقال الشيخ ابن باز الله المستعان. Ibn Zubayn dit, qui le combattrait? C'est-à-dire, qui combattrait celui qui ne veut pas gouverner parce qu'Allah avait fait descendre? Qui le combattrait? C'est la question de Ibn Zubayn. Cheikh Ibn Baz répond, c'est l'État musulman qui le fait. Un intervenant commenta. Et s'il n'y a pas un État islamique, regardez leur vision, ce qu'ils pensent. On prend la chose comme ça, si c'est une simple hypothèse, on profite de la réponse du Cheikh Rahimahullah. Le questionneur, et s'il n'y a pas un État islamique, le Cheikh Rahimahullah dit, dans ce cas, il demeure ainsi, et cette chose reste entre lui et Allah. Ibn Zubayn dit, certains États ont un laisser-aller, un laxisme. Cheikh Ibn Baz commenta, qu'Allah nous assiste. فقال سلمان سماحة الشيخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. فقال الشيخ ابن باز لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. فقال سلمان الذين يحكمون بالقانون. فقال الشيخ ابن باز رأيت رسالته الله يغفر له بل يرى ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل على ربا واستحلال. هذا ظاهر رسالته رحمه الله، لكن أنا عندي فيها توقف، إنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك، مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلانا ما يكفر بذلك حتى يستحله. فالحجاج بن يوسف لا يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل، لأن لهم شبهة. وعبد الملك بن مروان ومعاوية وغيرهم لا يكفرون بهذا ولا يكفرون بهذا لعدم الاستحلال. وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. سلمان العودة avait dit, votre éminence, cher, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, dans son épître, c'est-à-dire dans sa risale à Tahkim al-Qawaneen, le fait de gouverner par les lois, dans son épître, avance que les États qui gouvernent par la loi, c'est-à-dire la loi forgée par les hommes, sont des États mécréants, desquels il faut faire la hijra, les quitter. Cheikh Ibn Baz commente, car le mal, la mécréance et les péchés, ils sont devenus manifestes. Selman ajouta, ceux qui gouvernent par les lois. Cheikh Ibn Baz expliqua, oui, j'ai vu son épître, qu'Allah lui pardonne. Ils voient que leur apparence est celle de la mécréance, car du fait qu'ils avaient posé des lois, c'est une preuve d'agrément et d'istihlal, qu'ils considèrent que c'est une chose licite, l'istihlal. Ceci est ce qui transparaît de son épître, qu'Allah l'ait en miséricorde. Cependant, j'ai un avis contraire à celui-là. J'ai un arrêt quant à son avis. Il ne suffit pas de cela pour en juger ainsi, jusqu'à savoir qu'un tel croit cette chose licite. Or, le seul fait de juger par autre chose que ce qu'Allah avait fait descendre, ou bien qu'il l'aurait ordonné, ne permet pas de juger de sa mécréance. Tout comme celui qui ordonnerait de juger un tel, ou qui tuerait un tel, il ne serait pas mécréant pour autant, jusqu'à croire que c'est licite. Par exemple, Al-Hajjaj ibn Yusuf n'est pas mécréant à cause de ses actes, même s'il avait tué beaucoup de gens, jusqu'à passer à l'istihlal, croire que ses actes sont halal, car en fait, ils ont une ambiguïté. Et Al-Malik ibn Marwan, et Muawiyah et d'autres, ils ne sont pas mécréants par ses actes, en raison du nom istihlal. On n'a pas su d'eux qu'ils pensaient que c'est licite de tuer un tel. Et tuer les dits est plus grave que la fornication, est plus grave que de juger à cause de peau de vin. Faqala ahaduhum, c'est-à-dire l'un des présents. Faqala ahaduhum, مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر في بلاد كفر لا يلزمه بذلك الهجرة. فقال الشيخ الهجرة فيها تفصيل، من أظهر دينه ما يلزمه أو عجز ما يلزمه، كما قال تعالى إلى المستضعفين. Une personne dit, le fait de se trouver en terre de mécréance, est-ce que la hijra n'est pas obligatoire dans ce cas? Le cheikh expliqua, il y a lieu de détailler le cas de la hijra. Celui qui montre sa religion n'est pas obligé de faire la hijra. Il s'agit de bien comprendre la notion de montrer sa religion. On va donc peut-être, lorsqu'on traduira une fatwa de cheikh Mohamed Bazmoul Hafidhahullah, on va montrer, et cheikh Al-Fawzan aussi, il en parle, et d'autres cheikhs, montrer sa religion, c'est pouvoir dire aux mécréants que vous êtes dans le faux, moi je suis dans la voie correcte, et ainsi de suite. Revenons à l'explication du cheikh Ibn Baz rahimahullah. Il a dit, il y a lieu de détailler le cas de la hijra. Celui qui montre sa religion n'est pas obligé de faire la hijra. Celui qui n'arrive pas à l'accomplir n'est pas obligé, comme Allah dit, c'est-à-dire sauf ceux qui ne le peuvent pas, ils ne sont pas obligés. قال ابن جبرين يوجد آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن. فقال الشيخ ابن باز هذا معروف، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن، لأن معناه الله لا يتكلم، معناه أن القرآن ليس كلام الله، معناه وصف الله بأنه ما يتكلم. Sakis, Ibn Jabrin dit, il y a des textes où l'imam Ahmed juge mécréant celui qui dit que le Coran est créé. Cheikh Ibn Baz commenta, ceci est bien connu. Al-Sunna, les gens de la Sunna, rendent mécréant celui qui avance que le Coran serait créé. Car cela veut dire Allah ne parle pas. Cela veut dire que Al-Qur'an n'est pas la parole d'Allah. Cela signifie qualifier Allah par le fait qu'il ne parle pas, qu'il serait silencieux. فقال أحد الحاضرين ما لهم شبهة يا شيخ فقال الشيخ كفر لا نخرجه من الملة c'est-à-dire il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. الله جل وعلا وصفه بأنه أبكم ما يتكلم الله عز وجل يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله ويقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي traduction une personne de l'auditoire dit n'aurait-il aucune ambiguïté au cheikh le cheikh dit c'est une mécréance non on les fait sortir de la religion. Ils n'ont pas d'ambiguïté, ils n'ont pas donc d'excuses de dire que Al-Qur'an est makhlouq, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une chose explicite. Donc là, le cheikh disait, c'est une mécréance. Non, on les fait sortir de la religion. Ils avaient décrit Allah, l'exalté, qu'il serait muet, qu'il ne parle pas. Alors qu'Allah dit, traduction des sens des versets, ils veulent changer la parole d'Allah. Et il dit, et si l'un des associateurs te demande refuge, alors accueille-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Et le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dit, Quraysh m'avait interdit de transmettre la parole de mon Seigneur. فقال أحد الحضور هل يكفر المعتزلة؟ قال الشيخ ما في شك من قال بخلق القرآن فهو كافر قال أحد الحاضرين أحمد بن أبي دؤاد يكفر؟ قال الشيخ كل من قال بخلق القرآن فهو كافر قال السائل عينا يا شيخ؟ قال الشيخ عينا إذا ثبت عليه ذلك une personne de l'auditoire demanda est-ce que les mu'tazilites sont mécréants? Le cheikh, rahimahullah, affirme, oui, sans doute, celui qui avance que Al-Qur'an serait créé est mécréant. Une personne demanda, Ahmed ibn Abi Du'ad, c'est-à-dire celui qui avait eu un débat avec l'imam de Ahsun al-Jama'a, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui lui montra son ignorance. Cette personne demanda, Ibn Abi Du'ad, Ahmed ibn Abi Du'ad, est-il mécréant? Le cheikh répondit, tout un chacun qui avance que Al-Qur'an est créé devient kafir, mécréant. Le questionneur, nommément au cheikh, le cheikh, oui, nommément, si ceci est prouvé à son sujet, faqala A'id al-Qarni, al-Zahabi fi al-Siyar, ya cheikh, zakara Ahmed ibn Abi Du'ad, قال هذا وليس الرجل بكافر فهو يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالله فقال الشيخ ابن باز الذهبي ليس من أهل الفقه والبصيرة الذهبي عالم من الوسط يعتني بالحديث فقط يعتني بمصطلح الحديث فقال أحد الحاضرين حمل المأمون الناس على القول بذلك أليس كفرا فقال الشيخ كفر المأمون وغير المأمون عائد قرني انتغفان الذهبي dans السير لبيوغرافي dit que أحمد بن أبي دؤاد n'était pas mécréant qu'il a testé qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et qu'il croyait en Allah Cheikh Ibn Baz répondit الذهبي ne compte pas parmi les gens du fiqh et de clairvoyance. Az-Zahabi est un savant intermédiaire qui s'occupait uniquement du hadith, c'est-à-dire de la science dite mustalah al-hadith. Note du traducteur, cette science qui est une science instrumentale, ilm ala, un instrument pour connaître le degré d'authenticité ou non d'un hadith. C'est la science de laquelle s'occupe quelqu'un comme Al-Huwayni aussi, et que des gens veulent en faire un savant de toute la charia qui aurait la science infuse. Regardez ce que l'imam Ibn Baz rahimallah avait dit de Al-Dhahabi ici. Fin de la note du traducteur. Un assistant dit, Al-Ma'moun avait contraint les gens à dire que Al-Qur'an serait créé. Est-ce que cela n'était pas une mécréance, Cheikh Ibn Baz? Si, il est devenu mécréant, que ce soit Al-Ma'moun ou un autre. Et c'est ainsi que se termine ce débat enrichissant de l'imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullah ta'ala, et ses Ikhwani Qutbi, qu'Allah les guide et les fait retourner au chemin droit. Et la source, je la rappelle, c'est la cassette الدمعه البازيه للارم دي بن باز فاس بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.